الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. On commence aujourd'hui le cours 51 dans l'explication du livre عقيدة أهل السنة والجماعة du Cheikh Mohammed ibn Salih Al-Uthaymeen avec les commentaires du Cheikh lui-même de son propre livre. Donc pour revenir au sujet sur lequel on était en train de parler au dernier cours, dans les questions dont le cheikh parle dans le livre, on était en train d'expliquer les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, et en particulier l'amour, le fait que Allah subhanahu wa ta'ala, il est qualifié et il est décrit par l'attribut d'aimer, hein, le fait qu'il aime. On a mentionné plusieurs versets à ce sujet-là que le cheikh il a cité. Par exemple, il a mentionné des versets comme فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. Donc, il mentionne dans ces versets-là le fait que Allah subhanahu wa ta'ala a l'attribut d'aimer et qu'il aime parmi les serviteurs ceux qui possèdent certaines caractéristiques. Donc il aime les croyants, il aime les bienfaisants, il aime les justes, il aime ceux qui font preuve de piété, qui se préservent du châtiment d'Allah par les bonnes œuvres qu'ils font et par le fait d'éviter les péchés. Et donc on est arrivé justement à cette partie du verset 195 dans Sourate Al-Baqarah, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit wa ahsinu inna Allah yuhibbul muhsinin. Wa ahsinu, c'est-à-dire faites preuve de ihsan, ayez de l'ihsan dans votre adoration, ayez de l'ihsan. L'ihsan, c'est le fait de faire les œuvres qu'on fait de la meilleure façon possible et avec bienveillance et avec de l'excellence. C'est ça l'ihsan. Et Allah aime al-muhsinin, c'est-à-dire ceux qui ont de l'ihsan, ceux qui ont al-ihsan et qui adorent Allah avec ihsan et qui sont bienveillants et qui font le bien. Donc Cheikh Al-Fawzan, il explique ce verset-là en disant Cheikh Mohammed ibn Uthaymeen, parce que j'ai dit Cheikh Al-Fawzan, c'est l'habitude, hein, parce que j'ai fait beaucoup de livres de Cheikh Al-Fawzan. Donc Cheikh ibn Uthaymeen, il dit wa ahsinu inna Allah yuhibbu al-muhsinin. C'est-à-dire, donc comme on l'a dit, faites preuve d'ihsan, soyez muhsin, hein, ayez de l'ihsan, car Allah aime les muhsinin, ceux qui ont al-ihsan, ceux qui sont bienveillants et qui adorent Allah avec excellence. Il dit wa hadha intiqal ila ma huwa akmal, fal-ihsanu akmalu min al-adl. Qala ta'ala inna Allah ya'muru bil-'adli wal-ihsan. الإحسان في كل شيء سواء في معاملة الخالق أم في معاملة المخلوق فالإحسان في معاملة الخالق أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك أما الإحسان في معاملة الخلق فقد حدده الرسول صلى الله عليه وسلم بحد لا جور فيه ولا إشكال فيه فقال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه فهذه قاعدة والقاعدة الأخرى قال صلى الله عليه وسلم من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فليأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه والشاهد من ذلك قوله وليأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه فهذا هو الميزان بأن تحسن إلى عباد الله في مالك وفي بدنك وفي جاهك وفي كل معاملة. Donc le cheikh il explique que il passe maintenant, après avoir mentionné le fait que Allah aime les justes, إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ, hein, il aime les justes, ceux qui ont al-qist, qui sont justes. Et après avoir mentionné ça, il dit wa ahsinu inna Allah yuhibbul muhsinin. Hein, et faites preuve d'ihsan, car Allah aime ceux qui sont muhsinin, c'est-à-dire ceux qui font l'acte, les actes et les œuvres qu'ils font avec excellence et qui sont bienveillants et ainsi de suite. Donc le cheikh il dit Allah subhanahu wa ta'ala dans ces versets-là, c'est comme s'il passe de qu'est-ce qui est bon, de qu'est-ce qui est bien, à qu'est-ce qui est plus parfait encore. Dans quel sens? Dans le sens qu'il parle de al-ihsan après avoir parlé de al-adl, de la justice. Et il explique que le niveau de al-ihsan est plus élevé encore que le niveau de la justice. La justice, c'est de remettre quelque chose pour un acte, qui est équivalent. Al-ihsan, c'est de faire plus de bien encore que ce qu'on t'a montré, Et il donne l'exemple du verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le verset 90 dans sourate Al-Nahl, Inna Allah ya'muru bil-'adli wal-ihsan. Donc Allah subhanahu wa ta'ala ordonne la justice et al-ihsan. Donc al-ihsan c'est encore plus que al-'adl. Et il dit al-ihsan dans toutes les œuvres que tu fais, peu importe que ce soit les œuvres que tu fais pour ton créateur ou les œuvres que tu fais envers les créatures. Les œuvres que tu fais envers les autres créatures, comment tu agis avec eux, comment tu te comportes avec eux. Donc, comment tu te comportes avec ton créateur, tu dois avoir l'ihsan envers lui, et tu dois aussi te comporter de bonne manière avec les créatures d'Allah, c'est-à-dire avec ihsan. Et dans les deux cas, ça a une signification spécifique. Lorsqu'on parle de al-ihsan dans la façon de te comporter envers le Créateur, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que tu l'adores comme si tu le voyais. Et si tu n'arrives pas à l'adorer comme si tu le voyais, alors tu l'adores en étant conscient que lui, il te regarde, lui, il te voit. Et en ce qui concerne le fait d'avoir de l'ihsan dans le comportement que tu as envers la créature et les créatures d'Allah, ça a été expliqué et défini par le messager sallallahu alayhi wa sallam par une définition dans laquelle il n'y a aucune injustice et dans laquelle il n'y a aucun problème non plus, et c'est dans la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est rapportée par Al-Bukhari et Muslim selon Anas radiyallahu anhu lorsqu'il dit « Nul d'entre vous ne sera un vrai croyant tant qu'il n'aura pas aimé pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Tant qu'il n'aura pas aimé pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. » Ça, c'est une règle dans la religion. D'accord? Et il y a une autre règle qui est mentionnée dans un autre hadith qui complète cette règle-là. C'est ce qui est mentionné dans le hadith qui est rapporté par l'imam Muslim. Selon Abdullah ibn Amr ibn al-As, il dit celui qui aime être enlevé de l'enfer et entré au paradis, alors que lui vienne la mort alors qu'il croit en Allah et au jour dernier. Et qu'il agisse ou bien qu'il donne aux gens ce qu'il aimerait que les gens lui donnent. Ou bien qu'il fasse aux gens ce qu'il aimerait que les gens lui fassent. Donc dans le premier hadith, ça dit aime pour ton frère ce que tu aimes pour toi-même. Et dans l'autre hadith, ça dit que tu fasses aux gens ce que tu aimerais qu'ils te fassent. Ça, c'est la balance par laquelle on détermine la signification de l'ihsan envers les autres créatures. Et donc, de faire preuve d'ihsan envers Allah dans ton adoration, envers Allah dans tes biens, qu'est-ce que tu possèdes, dans ton corps, c'est-à-dire par ta personne, dans ton statut, si tu as une position ou un poste important et que tu es capable de faire du bien pour les autres avec cette position-là, ça c'est du bien, ou bien dans toutes tes interactions, dans tous tes comportements envers tout le monde, envers toutes les créatures. Et là, le cheikh il va expliquer donner quelques exemples. Il dit « Wa amma bil badan » فأن تعين الرجل على حمل متاعه أو على إناخة بعيره أو على أي شيء. En ce qui concerne le fait de faire preuve d'ihsan avec ton corps, eh bien ça c'est l'exemple, par exemple lorsque tu vas aider quelqu'un à porter des choses qu'il a besoin de transporter. on va dire qu'il a des paquets ou des sacs à porter. C'est lourd. Hein. Tu vas aller par exemple au marché et puis tu vas trouver par exemple un vieil homme ou bien une dame qui est âgée. Elle a de la difficulté à porter ses sacs. Hein. Alors toi, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas lui offrir ton aide. Hein. Tu vas lui dire, attendez, madame, je veux vous aider. Hein? Laissez-moi porter les sacs pour vous. Hein? Ou bien une personne qui est faible ou qui est fatiguée ou qui est malade. Ou bien tu lui donnes un coup de main à faire quelque chose. Quelqu'un, il est en train de transporter quelque chose qui est lourd. Tu le vois qui est tout seul, il a de la difficulté. Tu vas l'aider, tu vas lui donner un coup de main. Tu dis, laisse-moi te donner un coup de main, tu l'aides. Hein? Donc ça c'est des exemples d'ihsan que tu peux faire avec ton corps. Le cheikh, il donne aussi l'exemple de quelqu'un, par exemple, qui a besoin d'aide pour attacher son animal, par exemple. S'il a un chameau ou bien quelque chose comme ça, il a de la difficulté, tu l'aides à faire ça. Ou bien n'importe quelle autre chose que tu peux faire pour aider les gens, si tu es capable de le faire. Et il dit, وَالْإِحْسَانُ بِالْمَالِ بِأَنْ تُعْتِيَهُ زَكَاةً أو صَدَقَةً أو هِبَةً أو هَدِيَةً أو عَطِيَةً أو نَفَقَةً. Donc il dit, l'ihsan avec les biens et ton argent, c'est que tu le donnes à celui qui en a besoin. Comme la zakat. Hein? La zakat. Sadaqa. Zakat, c'est qu'est-ce qui est obligatoire. Sadaqa, c'est qu'est-ce qui est volontaire. Al-hiba, c'est de faire un don. Al-hadiyya, c'est de donner un cadeau. Atiyya, c'est la même chose, de donner quelque chose à quelqu'un. Al-nafaqa, c'est qu'est-ce que tu donnes comme dépense obligatoire envers un proche ou envers ta famille. Hein, nafaqa. Donc, tout ça fait partie de l'ihsan dans les biens. Et il dit, فَالزَّكَاتُ هُوَ الْقَدْرُ الْوَاجِبُ إخراجه في الأموال والصدقة ما قصد به الإنسان التقرب إلى الله عز وجل بغض النظر عن كون الفقير ينتفع بها أو لا ينتفع والهدية ما قصد به التودد والإكرام والهبة ما قصد بها مجرد انتفاع المعطى فلم يرد المعطي التقرب إلى الله بها ولا توددا إلى المعطى بل أعطاه هكذا والعطية التبرع بالمال في مرض الموت وهي ما يجب إعطاؤه لمن تجب نفقته بالمعروف. Donc chacun des termes que le cheikh il a mentionné, il l'explique, mais en plus de détails. Donc il dit, la zakat, c'est la portion de bien que tu dois sortir de ton argent qui est obligatoire, hein, lorsque tu as atteint un certain montant d'argent. Donc ça, après une année, ça devient obligatoire. As-sadaqa, il dit, c'est ce que tu donnes dans le but de te rapprocher d'Allah. Peu importe que la personne à qui tu donnes, hein, le pauvre à qui tu donnes, il soit pauvre et il profite de ça ou non. Al-hadiyya, c'est qu'est-ce que tu donnes à quelqu'un dans le but d'obtenir son affection et son amitié et dans le but de l'honorer. Al-hiba, c'est un don que tu fais uniquement pour faire profiter la personne à qui tu donnes, mais tu ne recherches pas nécessairement par cela le fait de te rapprocher d'Allah ni de chercher l'amitié de la personne à qui tu donnes. C'est juste tu lui donnes comme ça, hein, sans rien vouloir autre que ça. Al-atiyya, il dit, ça c'est le fait de faire un don, hein, de donner volontairement à quelqu'un de l'argent, mais au moment où tu es malade et que tu attends la mort. Hein? Donc, c'est ce qu'on appelle al-atiyya. Donc, quelqu'un, il est proche de la mort et il donne un don à quelqu'un comme ça. Wa-nafaqa, c'est qu'est-ce qui est obligatoire de donner hein, et de dépenser dans le bien pour tes proches, pour les gens qui sont sous ta charge et des choses de ce genre. Le, non. C'est-à-dire que pour, c'est juste des exemples de cas, mais chacun de ces exemples-là, hein, certains peuvent être plus élevés que l'autre selon la sincérité, selon l'intention, selon, hein, comme la personne, quand le cheikh il dit, par exemple, quand il dit de al-hiba, c'est qu'est-ce que la personne elle donne, elle le fait pas pour se rapprocher d'Allah. Cette personne, si elle fait pas ça pour se rapprocher d'Allah, ça veut dire que elle sera pas récompensée par Allah, hein, si elle fait ça. Donc, ça c'est un exemple. Mais sinon, az-zakat, ça c'est une grande récompense, parce que c'est une grande adoration, et c'est une obligation. Et il y a rien que Allah préfère plus que ce que le serviteur fait de ce qui lui a rendu obligatoire, hein. Donc le plus important en premier, c'est de donner ce qui est obligatoire. Si quelqu'un par exemple il a beaucoup d'argent, ok, et il a par exemple une zakat à payer, mais il la paye pas, puis entre temps il donne plein d'argent à d'autres personnes, il donne sadaqa, hein, donc on lui dira dans ce cas là écoute, commence par donner la zakat qui est obligatoire, après tu pourras faire des actes volontaires. Mais de commencer à faire des actes volontaires en premier qui sont pas obligatoires, puis après tu laisses de côté ce qui est obligatoire, ça c'est pas correct. C'est comme celui qui, par exemple, il a pas fait la prière obligatoire, les 5 prières obligatoires, il les a pas faites, mais il fait des nawafil, puis il prie la nuit. On va dire non, commence par prier les 5 prières obligatoires en premier, après tu vas faire ça. Ou bien quelqu'un, il prie pas le ramadan, mais il prie le lundi, le jeudi, toute l'année, hein. On va dire non, commence par le jeûne obligatoire, ça c'est la priorité. Après, quand tu as fait ton jeûne obligatoire, si tu veux faire plus, dans ce cas-là, oui, tu vas faire des actes surérogatoires. Et c'est ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il mentionne dans le hadith Qudsi, que Allah subhanahu wa ta'ala a dit وَمَا مَا يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ عَبْدِ بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَدْتُهُ عَلَيْهِ. Mon serviteur, il va pas se rapprocher de moi par quelque chose que j'aime plus que ce que je lui ai ordonné, ce que je lui ai rendu obligatoire. Et encore, il y a toujours la question de la sincérité, à l'ikhlas, de l'intention, et tous ces facteurs-là jouent dans la valeur de la récompense, la grandeur de la récompense de la personne. Le cheikh il dit ensuite, « وَكَذَلِكَ تُحْسِنُ إِلَى الْخَلْقِ بِجَاهِكَ بِشَفَاعَةِ الْجَائِزَةِ بِشَفَاعَةِ الْجَائِزَةِ وَذَلِكَ بِالتَّوَسُّطِ أَمَّا الشَّفَاعَةُ الْمُحَرَّمَةِ فَلَا تَجُوزُ. Juste un instant. Pour la jambe. Ça fait du bien. طيب, on continue inshallah. وكذلك تحسن إلى الخلق بجاهك بالشفاعة الجاهزة بالشفاعة الجائزة وذلك بالتوسط أما الشفاعة المحرمة فلا تجوز مثل أن تشفع في إسقاط واجب فإذا بلغت الحدود السلطان فلعن الله الشافع والمشفع له والله أعلم. Donc le cheikh il explique maintenant, il dit que de même que tu peux faire du bien envers les créatures par ton statut, par ton autorité, par ta position, hein, et c'est de faire une intercession qui est licite et qui est permise, hein, dans le fait d'intercéder en faveur de quelqu'un pour un bien, ok. Donc toi par exemple, on va dire que tu as réussi à obtenir un poste assez important, et puis avec ce poste-là, tu es capable de rendre service à des gens qui ont besoin d'aide, donc ils vont venir te voir, puis toi tu vas intercéder pour eux auprès du responsable, auprès du patron, auprès du président, pour demander de l'aide pour des gens comme ça. Ça, ça fait partie de التوسط الشفاعة الجائزة. C'est permis de faire ça. Contrairement à l'intercession qui est interdite, lorsque tu vas intercéder, wa alaykoum salam wa rahmatullah, lorsque tu vas intercéder pour faire tomber une chose obligatoire, pour faire empêcher d'appliquer quelque chose qui est obligatoire. Comme par exemple lorsque des gens sont condamnés pour un crime, ok, et c'est déjà arrivé devant le juge. Puis toi, tu vas aller voir le juge ou bien les responsables, puis tu leur dis épargnez-le, ne le punissez pas, ou n'appliquez pas sur lui le châtiment ou la punition qu'il mérite. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à ce sujet-là que Allah maudisse l'intercesseur et celui pour qui on intercède dans ce genre de situation-là, pour la personne qui demande l'intercession pour quelqu'un alors que l'affaire est déjà devant le juge, c'est déjà jugé l'affaire. Il dit ففي هذا إثبات المحبة لله عز وجل فنثبت أن الله تعالى يحب ويحب ويجب علينا هذا ويجب علينا هذا ونحن ندرك ذلك بأنفسنا إذ يدرك العبد أنه يحب ربه لما غذاه به من النعم وأمده بكل ما يحتاج وهذا جاء في الأثر أحب الله لما يغذوكم به من النعم. Le Cheikh explique que donc pour revenir à la question de l'amour d'Allah, eh bien on doit l'affirmer. On doit affirmer l'amour d'Allah Azza wa Jal, que ça fait partie de ses attributs. Que Allah subhanahu wa ta'ala, il est aimé, hein, il aime et il est aimé aussi. Il est aimé par ses créatures et il aime ceux de ses serviteurs qui ont les caractéristiques qu'il a mentionnées. Et il est obligatoire pour nous, hein, de croire en ça et d'affirmer cela. Et donc, nous savons cela en nous-mêmes. On peut même le ressentir en nous-mêmes et le découvrir par nous-mêmes aussi, puisque le serviteur, hein, il aime son serviteur pourquoi? Le serviteur, il aime son Seigneur pourquoi? Il aime Allah pourquoi? Il aime Allah pour toutes les grâces et tous les bienfaits que Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné. Allah subhanahu wa ta'ala a donné au serviteur tout ce dont ils ont besoin pour vivre, hein? Et c'est pour ça qu'il est mentionné dans la narration rapportée par At-Tirmidhi, selon Ibn Abbas radiyallahu anhuma, ça dit: aimez Allah pour ce qu'il vous nourrit et c'est pour ce qu'il vous donne comme grâce, toutes les grâces que Allah vous a données. Et certaines personnes parfois ils sont ingrates, certaines créatures sont ingrates, certaines créatures sont aveugles même. C'est-à-dire qu'ils ne voient pas les grâces d'Allah sur eux-mêmes. Et pourtant, les grâces d'Allah sont tellement apparentes et visibles qu'on ne peut pas les nier. Hein? C'est comme par exemple, tu dis à quelqu'un, remercie Allah, sois reconnaissant envers Allah. Hein? Yani, il mentionne les grâces d'Allah sur toi. Il dit non, quelle grâce d'Allah, hein? Il dit, moi je suis pauvre, moi je suis malade, ou moi je suis ci ou ça. Hein? Tu lui dis, ok, d'accord, tu dis ça. Toi, cette main-là que tu possèdes, hein? Tu possèdes deux mains. Si je te dis, vends-moi tes deux mains, je vais te les acheter. Hein? On va les couper, puis tu vas me les donner à moi. Hein? Pour combien tu veux les vendre? Combien tu vas accepter? Quelle somme tu vas accepter de me vendre tes mains? Hein? Pas de prix, ça n'a pas de prix. Si je te dis, donne-moi tes yeux, je vais te les acheter. Hein? Combien tu veux me les vendre? Je dis, j'ai besoin de tes poumons. Hein? Vends-moi tes poumons, combien tu vas me les vendre? Hein? Ou bien même ton cœur, J'ai besoin d'un nouveau cœur. Hein? Si je te le vends, tu vas mourir. Hein? Si tu le vends, tu vas mourir. C'est fini. Mais combien ça coûte, un cœur? Hein? Tu peux pas donner un montant à ça. Et c'est pour dire, toi tu dis, t'as pas de grâce. Combien de grâces Allah t'a donné? Tellement elles sont grandes, tu peux même pas mettre une valeur sur cette grâce que Allah te donne. Même la vie, le fait que tu existes, le fait que tu vives, le fait que tu puisses voir avec tes yeux, le fait que tu puisses respirer, que tu puisses parler, tout ça c'est des dons. Demande à celui qui est aveugle, hein? Demande à celui qui est sourd, demande à celui qui est muet, combien il donnerait pour pouvoir voir, pour pouvoir parler, pour pouvoir entendre, hein? Il sait pas, hein? Mais c'est pour dire, les grâces d'Allah sont tellement nombreuses, et c'est comme on dit, celui qui est malade, combien il souhaiterait vouloir être en bonne santé, hein? Et les Arabes, ils avaient un dicton qui dit, la santé est une couronne sur la tête, hein, des gens en santé. Attends, c'est quoi? As-sihha tajun fi. Oui. Oui, la santé c'est une couronne sur la tête des gens qui sont en bonne santé, c'est seulement les malades qui la voient. Oui, parce que quand tu es en bonne santé, tu réalises pas. Moi je me rappelle yani que à un moment donné quand j'étais plus jeune, j'ai été diagnostiqué avec un problème de la glande thyroïde. Hein? Quand j'avais à peu près 18 ans, 17-18 ans, subhanallah, avant d'avoir ce problème-là, je ne savais même pas qu'est-ce que c'est la glande thyroïde. Je ne savais même pas que j'avais une glande thyroïde dans mon... Bon, j'avais entendu, en biologie, on a appris la glande thyroïde. Mais à quoi ça sert? Et est-ce que je donne de l'importance à ça? Non. Hein? C'est comme si ça n'existe même pas dans mon corps. Mais le jour qu'elle ne fonctionne pas comme il faut, hein, le jour que, ou bien qu'elle fonctionne trop, ou bien elle ne fonctionne pas assez. Hein, si elle fonctionne trop, ça devient l'hyperthyroïdie. Si ça ne fonctionne pas assez, ça devient l'hypothyroïdie. Et les effets que ça peut avoir sur ton corps, sur ta vie, c'est tellement incroyable. Tu peux même pas imaginer à quel point c'est important. Cette petite glande-là qui est en dessous de ta pomme d'Adam, là, elle est juste ici dans le cou. Elle contrôle le rythme cardiaque. Elle contrôle la combustion de l'énergie dans les cellules. Elle contrôle la température du corps. Elle contrôle beaucoup d'autres choses dans ton corps. Si tu vois qu'elle ne fonctionne pas bien, tu en ressens tous les effets. Elle produit des hormones, cette glande. Et c'est ces hormones-là qui ont un grand rôle dans le corps humain. Hein? Donc, le jour où il y a un problème dans ton corps, là tu réalises. Tu te dis, ah d'accord, là maintenant je réalise que j'avais ça. Ça doit te rendre encore plus reconnaissant de la grâce d'Allah et de ses bienfaits sur toi. Et en même temps, tu réalises à quel point Allah subhanahu wa ta'ala, il a bien créé le corps humain. À quel point Allah subhanahu wa ta'ala, il a pensé à tout ce qui était bon pour l'être humain dans son corps. Hein? Toutes ces hormones-là qui fonctionnent dans ton corps et qui font en sorte que ton système, il fonctionne bien. Hein? Donc, c'est pour ces choses-là que tu dois aimer Allah encore plus. Hein? Et aussi, même des fois, tu dis, bon, tu vois les grâces d'Allah sur toi-même, puis en même temps aussi, tu vois parfois que certaines personnes, eux, sont malades ou sont handicapées ou ils ont un problème. Hein? Et puis le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il nous a enseigné même un dua, une invocation qu'on doit dire lorsqu'on voit quelqu'un qui a été éprouvé par une maladie ou par un problème ou par un handicap. Tu dis, louange à celui qui m'a épargné, hein, de ce par quoi plusieurs de ses serviteurs ont été éprouvés et qui m'a préféré, hein, de sa grâce. Donc, c'est pour dire, yani, tu deviens reconnaissant non seulement pour les grâces que tu as toi-même, mais aussi tu deviens reconnaissant encore plus en voyant comment peut-être que d'autres créatures que toi Allah, il les a éprouvés plus que toi. Hein? Tu dis, ah, moi j'ai ça. Hein? Moi j'ai tel problème, j'ai tel ci, j'ai telle chose. Oui, c'est vrai, mais pense à d'autres qui ont pire que toi. L'autre jour, j'ai vu une vidéo, un homme, il a pas de jambes. Il a pas de jambes, mais pas seulement pas de jambes, tout est coupé à partir du bassin, là. Il a même juste le tronc de son corps, et il vit. Subhanallah. Il marche sur ses mains. J'ai vu d'autres exemples aussi comme ça. Tu te dis, subhanallah. Hein? Donc, ça c'est des choses, quand tu vois ça, tu dis, ben, il faut être reconnaissant envers Allah. Il y a d'autres qui sont pires que moi. Hein? Il y a d'autres qui ont été éprouvés plus que moi. Et eux, malgré ça, ils sont reconnaissants. Subhanallah. Donc le cheikh, il dit ensuite, d'autres exemples, maintenant il va passer à d'autres attributs. Il dit, وَنُؤْمِنُ بِأَنَّ اللَّهَ يَرْضَى مَا شَرَعَهُ مِنَ الْأَعْمَالِ وَالْأَقْوَالِ وَيَكْرَهُ مَا نَهَى عَنْهُ مِنْهَا. Et il cite des versets ensuite, il dit, إِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌ عَنْكُمْ ولا يرضى لعباده الكفر وان تشكروا يرضه لكم ولكن كره الله بعاثهم فثبتهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. Donc il dit ensuite que nous devons croire aussi que Allah, il est satisfait des œuvres et des paroles qu'il nous a légiféré de faire et qu'il nous a ordonné de faire, et qu'il déteste lorsqu'on fait ce qu'il nous a interdit de comme parole et comme action. Et il cite, donc ça c'est la preuve que Allah, il est satisfait, il agrée certaines choses et qu'il déteste aussi des choses. Et que ça fait partie de ses attributs. Donc il faut croire en ça. Et il cite deux versets parmi les versets qui mentionne ces points-là. Il y en a beaucoup d'autres, mais c'est juste deux exemples. Le verset 7 dans Sourate Az-Zumar. Hein? Est-ce que c'est Zumar? Oui. Donc on va lire ce verset-là. Qu'est-ce qu'il dit? إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر. Donc ça veut dire quoi? Si vous ne croyez pas, c'est-à-dire si vous reniez la foi en Allah. Hein? Si quelqu'un, par exemple, il est mécréant, il est athée, il ne croit pas en Dieu, hein? Il dit Allah se passe largement de vous. Ça dit, tu ne veux pas croire en Allah, ça, pense pas que parce que tu es mécréant, pense pas que parce que tu es athée, pense pas que parce que tu pries pas à Allah, que tu te soumets pas à lui, que tu ne respectes pas sa foi, la foi en lui et la religion, pense pas que ça fait du tort à Allah. Pense pas que ça enlève quoi que ce soit à Allah. Allah, il n'a pas du tout besoin de toi. Allah, il se passe complètement de toi si toi, tu crois pas en lui. Hein? Si tu veux pas l'obéir. Donc, il dit, si vous ne croyez pas, alors Allah se passe de vous. إِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌ عَنْكُمْ. Donc, si vous croyez pas, Allah se passe largement de vous. Il dit, de ses serviteurs, il dit, Cependant, de ses serviteurs, il n'agrée pas la mécréance. Il n'agrée pas la mécréance de ses serviteurs, cependant. Quand ses serviteurs renient la foi, il se passe de toi. Si tu renies la foi, il se passe de toi. C'est-à-dire, il n'a aucun besoin de toi. Ça lui fait aucun tort. Mais il n'agrée pas ça. Il n'est pas satisfait de ça. Hein? Et si vous êtes reconnaissant, il l'agrée pour vous. Donc, il agrée la reconnaissance de la part de ses serviteurs. D'accord? Et il cite ensuite l'autre verset, qui est le verset 46 dans Sourate At-Tawbah. Verset 46 dans Sourate At-Tawbah, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala, il dit... Est-ce que c'est 46? Oui, c'est ça, 46... إن تكفروا فإن الله غني عنكم. Et l'autre verset c'est ولكن كره الله بعاثهم. ولكن كره الله. وَأَطِعُوا اللَّهَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ Ah non, ça c'est à l'anfal. C'est pour ça que c'était pas le bon là. Donc, le verset 46. Et s'il avait voulu... Ok. Mais leur départ répugna à Allah. Donc ça c'est ceux qui ne sont pas partis au combat, hein, qui n'ont pas pu participer à la bataille. Ils ne sont pas partis avec le messager d'Allah dans l'expédition militaire pour aller à la bataille de Tabouk. Et ceux qui sont restés derrière, qui ne voulaient pas partir avec le messager d'Allah dans cette bataille-là, la plupart qui sont restés dehors, c'était des hypocrites. Ce n'étaient pas des croyants. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans ce verset-là, et s'ils avaient voulu partir au combat, ils lui auraient fait des préparations. C'est-à-dire, s'ils auraient voulu partir au combat, ils se seraient préparés pour partir. Hein? Mais leur départ répugna à Allah. Il les a rendus paresseux. Et il leur fut dit, restez avec ceux qui restent. Donc c'est comme si, d'un côté, eux, ils voulaient pas partir. Donc ils se sont pas préparés. Ils ont fait preuve de paresse. Mais en réalité, cette paresse qu'ils ont eue, c'était une punition d'Allah. Hein? Et donc Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le verset, que parce que leur départ répugna à Allah, il les a rendus paresseux. Hein? Et donc, ça c'est la preuve que Allah subhanahu wa ta'ala, il déteste certaines personnes et certaines actions et certaines caractéristiques. Et donc le cheikh il va expliquer ces versets là maintenant. Il dit wa qawluhu wa nu'minu bi anna Allah ta'ala yarda ma shara'ahu min al-a'mali wa al-aqwali wa yakrahu ma naha 'anhu minha. Idhan nuthbitu anna Allah yarda wa annahu yakrah ridan haqiqiyan wa karahatan haqiqiyan. فيوصف تعالى بالرضا والكراهة وقد أنكر المعطلة أن يكون الله موصوفا بهما وقالوا ما جاء من النصوص بالرضا فالمراد به الثواب أو إرادة الثواب وما جاء بالكراهة فالمراد به العقاب أو إرادة العقاب وهذا بناء على مذهب فاسد على مذهبهم الفاسد ومعلوم أن هؤلاء المعطلة يبنون تعطيلهم على أدلة عقلية وهي في الحقيقة ليست عقلية بل هي وهمية فيتوهمون أن إثبات هذه الصفة يستلزم التمثيل فينكرونها والدليل على هذا قوله إن تكفروا فإن الله غني عنكم وإذا كان الله غنيا عنا فهل يتضرر الجواب لا بل الذي يتضرر هو الكافر. Donc le cheikh il dit, et également le cheikh il explique que nous croyons que Allah est satisfait de ce que nous faisons comme action ou parole qu'il nous a légiféré, qu'il nous a ordonné de faire, et il déteste ce qu'il lorsqu'on fait, hein, ou lorsqu'on dit ce qu'il nous a interdit de faire. Donc, nous devons affirmer que Allah est satisfait et qu'il déteste aussi, et que sa satisfaction est une satisfaction réelle, et que sa haine et son dédain de certaines choses, c'est une haine réelle aussi, et qu'il est décrit par cela, c'est-à-dire l'agrément et le fait de détester ou de haïr ou bien de dédaigner certaines choses. Et certains parmi les gens de l'innovation qui ont nié les attributs d'Allah, ils refusent d'affirmer que Allah est décrit par ces deux attributs-là, parmi les, ainsi que d'autres attributs, mais ces deux attributs-là en particulier aussi, ils les nient. Et le cheikh il dit que ces innovateurs et ces gens de bid'a qui nient les attributs d'Allah, ils disent que tout ce qui est rapporté dans les textes du Coran et de la Sunna et qui mentionne l'agrément d'Allah, ça ne veut pas dire pour eux l'agrément. Ça veut dire quoi? Ça veut dire la récompense. Et ou bien le fait de vouloir récompenser. Et tout ce qui mentionne dans les textes du Coran et de la Sunna, le fait de détester ou de ne pas aimer ou de dédaigner quelque chose, hein? Eh bien, pour eux, ça, ça veut pas dire le fait de détester, mais plutôt ils l'interprètent par une autre façon, une autre chose. Ils disent, ça veut dire la punition ou le châtiment, ou le fait de vouloir punir. Et le cheikh, il nous a déjà expliqué qu'il y a une différence entre la récompense et l'agrément. Une récompense, c'est une récompense. L'agrément, c'est l'agrément. De même que le fait de vouloir punir ou la punition, c'est une chose, et le fait de détester, c'est une chose différente. Si Allah voulait dire la punition, il aurait dit punition. Il a dit qu'il déteste, ça veut dire qu'il déteste. Il a dit qu'il agrée, qu'il était satisfait, qu'il agrée certaines choses, ça veut dire qu'il agrée. S'il voulait dire récompense, il aurait dit récompense, hein? Donc pourquoi ils essaient toujours de jouer avec les définitions et les termes et les attributs d'Allah pour essayer de les nier. Et le cheikh, il explique pourquoi ils font ça. Ils disent ça, pour quelle raison ils veulent nier ces attributs-là? C'est parce que c'est basé sur leur compréhension corrompue, hein, de vouloir nier toute chose en se basant soi-disant sur qu'est-ce qu'ils considèrent eux comme étant des preuves rationnelles. Parce que eux, ils pensent qu'ils peuvent décrire Allah sans se référer à la révélation. Ils peuvent parler d'Allah uniquement en se basant sur leur propre logique ou sur la raison, comme qu'est-ce qu'ils prétendent être de la raison, ou sur ce que les philosophes grecs ont déterminé comme étant la logique, hein, comme Platon et Aristote. Donc eux, ils ont écrit des règles métaphysiques ou des choses comme ça, ou des règles soi-disant rationnelles, de logique ou de dialectique. Donc eux, ils disent, qu'est-ce qui est logique d'affirmer à Dieu, c'est telle chose. Et le reste, il faut le nier. Donc eux, ils se basent sur qu'est-ce que Platon a dit, qu'est-ce qu'Aristote a dit, puis quand ils regardent le Coran, ils disent, bon, selon Platon, ça se dit pas. On peut pas dire ça à propos d'Allah. Donc ils le nient. Et selon Platon et Aristote, Dieu il est comme ça, donc il faut l'affirmer. Même si c'est contraire à ce que Allah a dit dans le Coran et ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans la Sunna. Donc c'est comme ça qu'ils agissent envers les textes de la religion. C'est comme si pour eux, il y a des règles qui sont au-dessus du Coran et de la Sunna et qui doivent déterminer ce qui est vrai et faux dans la révélation. Ce qu'ils considèrent comme étant vrai, ils l'affirment à Allah, et ce qu'ils considèrent comme étant faux, ils le nient, ou bien ils le déforment dans sa signification. Et donc ici, par exemple, ils disent non, l'agrément, ça, on peut pas dire ça à propos d'Allah, parce que l'agrément c'est un attribut des créatures. Et donc si on dit que Allah il agrée, ça veut dire qu'il ressemble à des créatures, donc ça veut dire que on peut pas dire ça. Donc au lieu de dire l'agrément, on va dire la récompense. Hein? Pourtant il y a d'autres attributs que Allah possède, comme par exemple, ils disent que Allah voit et qu'il a la vue. Hein? Et il y a des créatures qui voient aussi. Donc pourquoi ils affirment la vue, mais ils affirment pas l'agrément? Alors que les deux sont des attributs qui existent chez le créateur et chez la créature. Ils disent non, parce que ça c'est pas pareil. Pourquoi c'est pas pareil? Il n'y a pas de différence. Nous on dit, on affirme la vue, mais on dit la vue d'Allah est pas comparable à la vue des créatures. Parce que Allah dit dans le verset, laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Rien ne lui ressemble. Donc même si Allah il a la vue et nous on a la vue d'Allah n'est pas comparable à la vue des créatures. La vue des êtres humains, même la vue entre les créatures elles-mêmes, elle diffère. D'un homme à l'autre, on n'a pas tous la même qualité de vision. Hein? Moi j'ai besoin de lunettes. Si j'enlève mes lunettes maintenant, hein, je vois tout flou là. Hein, je ne peux même pas distinguer les traits de votre visage. Hein, et je ne vois même pas les lettres dans le livre. Donc ça veut dire, si j'enlève mes lunettes, je deviens presque aveugle. Tandis que, d'autres parmi vous ici, votre vue, elle est bien. Hein. Il y a d'autres personnes qui ont des déficiences visuelles. Yani, ils ne peuvent pas voir bien. Même s'ils mettent des lunettes, ils ne vont pas voir mieux. Parce que c'est des problèmes visuels qu'ils ont. Ça c'est un exemple. Entre les créatures, on a tous des niveaux de degrés différents de vue. Entre les créatures, parmi les animaux, certains, ils ont des vues très, très perçantes. Les aigles, on dit qu'ils voient vraiment des choses à partir de très haut dans le ciel. Ils peuvent voir les souris là qui courent par terre. Et ils foncent là pour les attraper. Et ils ont une vue vraiment très très forte. Il y a des chouettes, les hiboux. En pleine nuit, ils peuvent voir les animaux qui courent. Ils sont capables d'attraper les proies. Et de les manger pour se nourrir, alors que nous, si on regarde dans le noir, quand il n'y a pas de lumière, on peut rien voir. Eux, ils voient dans le noir, subhanallah. Il y a d'autres êtres comme ça. Ça, c'est par les différences qui existent entre les créatures elles-mêmes. On peut pas dire que notre vue, elle est comparable à la vue de ces animaux-là. Alors que dire de la différence entre la vue d'Allah, le créateur, et la vue des créatures? Il n'y a pas de comparaison. Donc on dit oui, on affirme la vue d'Allah et on affirme la vue des créatures, mais il n'y a pas de comparaison ou de ressemblance entre la vue d'Allah et la vue des créatures. Et la même chose pour l'agrément. On affirme que les êtres humains, ils ont l'agrément comme attribut. Ils agréent des choses, ils détestent des choses, mais l'agrément d'Allah et la haine d'Allah, c'est pas comparable à l'agrément des créatures et la haine des créatures. D'accord? Donc le cheikh il dit: les arguments que eux prétendent être des arguments rationnels sont pas des arguments rationnels. La réalité, ce sont des chimères, des faux arguments qu'ils ont, des illusions qu'ils se font. Ils s'imaginent des choses. Ils s'imaginent des attributs d'Allah qui seraient comparables à celles des créatures. Ils pensent que quand on dit que Allah, il aime, ou quand Allah il agrée, ou quand Allah il déteste, ils veulent penser, eux, dans leur imagination, qu'on compare, qu'on parle des mêmes attributs que celles que possèdent les créatures. Donc, ils s'imaginent Allah comme les créatures, puis après, étant donné qu'ils voient que ça c'est pas correct, ils essaient de nier l'attribut, au lieu de dire, non, c'est pas la même chose. D'accord? Donc, le cheikh, il dit, la preuve qu'il faut affirmer ces choses-là, c'est que lui-même, Allah subhanahu wa ta'ala, il se les a affirmés lui-même. Il dit, in takfuru fa inna Allah ghaniyun ankum. Donc, il dit, ok, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le verset, si vous reniez la foi, Allah, il se passe complètement de vous. Donc là, il pose une question. Il dit, oui, d'accord. On dit que Allah subhanahu wa ta'ala, il se passe complètement de nous, il n'a aucun besoin de nous. Mais est-ce que ça lui fait du tort qu'on rejette la foi? Et le cheikh dit, la réponse à ça, c'est que non. Ça ne lui fait aucun tort. Au contraire, ça ne fait du tort que à celui qui renie la foi. Ça ne fait du tort que à celui qui renie la foi. Ensuite, il explique la suite de ce verset-là. Il dit, وَقَوْلُهُ وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرُ وَإِنْ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ وَهَذَا نَفْيُ الرِّضَى وهذا نفي الرضا فهو بمفهومه يدل على أنه يرضى منهم الإيمان يرضى منهم الإيمان ولهذا صرح به في قوله وإن تشكروا يرضه لكم وهذه الآية دليل على أن شكر النعمة من الإيمان وكفرها من الكفر ودليل الكراهة. Donc le cheikh il explique que dans le verset Allah subhanahu wa ta'ala dit, et il n'est pas satisfait, il n'agrée pas de son serviteur qu'il soit mécréant, il n'agrée pas de son serviteur qu'il renie la foi. Et si vous êtes reconnaissant des grâces que Allah vous donne, il est satisfait de cela pour vous. Donc ici il y a la négation de l'agrément pour la personne qui renie la foi. Donc, on peut comprendre par cela que ça prouve que Allah subhanahu wa ta'ala est satisfait d'eux s'ils acceptent la foi. Il sera satisfait d'eux s'ils acceptent la foi. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il le dit de façon explicite dans la suite du verset, وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ. Et si vous êtes reconnaissant, il en sera satisfait. Il l'agréera de votre part. Et il dit donc que dans ce verset-là, il y a la preuve que on doit être reconnaissant envers les grâces d'Allah. Et parmi les grâces d'Allah, il y a la grâce de la foi. Donc la foi fait partie des grâces d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et le fait de renier la foi eh bien, ça fait partie de l'ingratitude et de la mécréance. Il dit: ودليل الكراهة قوله ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. اللهم أجرنا. هذه الآية خطيرة جدا. هذه الآية خطيرة جدا وميزان. كره الله بعاثهم أي في الجهاد فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. فاحذر وفتش إذا رأيت نفسك متكاسلا عن الخير فاخشى أن يكون الله كرها بعاثك في الخير. ثم أعد النظر مرة ثانية وصبر نفسك وأرغمها على الطاعة. فاليوم تفعلها كارها وغدا تفعلها طائعا هينة عليك. Donc, il dit, والمهم فيه تحذير شديد لمن رأى من نفسه أنه مثبط عن الطاعة. فلعل الله تعالى كره أن يكون هذا الرجل من عباده المطيعين له فثبطه عن الطاعة. ونسأل الله أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. Donc le cheikh il mentionne un point ici, et ça là c'est le cheikh il dit ça c'est très dangereux ce verset. Le verset qu'on a lu tantôt, le verset 46 dans sourate At-Tawba, Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans ce verset là, mais Allah subhanahu wa ta'ala a détesté, il n'a pas aimé d'eux qu'ils partent au combat. Alors il les a rendus paresseux, et il leur fut dit restez avec ceux qui restent derrière. Le cheikh il dit, oh Allah, sauve-nous, protège-nous. Il dit, tu vois que ce verset-là, c'est un verset très dangereux. Et c'est une balance pour nous. C'est-à-dire, on doit se mettre dans la balance face à ce verset-là. Il dit, parce que Allah, il dit dans le Coran, Allah a répugné leur départ pour le combat. C'est-à-dire, pour le djihad, à ce moment-là, ils partaient pour Tabouk. فثبطهم, il les a donc rendus paresseux, lourds, à vouloir partir. Ils ont traîné les pieds, ils ont retardé, jusqu'à finalement ils ont fini par dire, ah, je vais rester derrière, Et ils sont restés avec ceux qui restent. C'est qui ceux qui restent? Les aveugles, les malades, les handicapés, les femmes, les enfants. Ils sont restés avec ceux-là. Et les hypocrites, bien entendu. Donc, qu'est-ce qu'il dit le cheikh? Il dit donc, fais attention et cherche en toi-même. Si tu vois que tu ressens de la paresse vis-à-vis de faire le bien, alors crains, tu dois avoir peur que ça puisse être en fait Allah subhanahu wa ta'ala qui déteste et qui répugne de te voir faire le bien, à cause de tes péchés, à cause de ta négligence, à cause de de ton éloignement du bien. Donc regarde, remets-toi en question, analyse les choses et regarde en toi-même encore une fois et essaie de te forcer à être endurant dans l'adoration et essaie de te forcer à faire les œuvres et les bonnes œuvres et les actes obligatoires. Il dit peut-être qu'aujourd'hui tu vas les faire à contre-cœur. Ou peut-être que tu vas les faire sans vraiment vouloir les faire avec motivation. Mais demain, tu vas les faire avec, tu vas être obéissant, tu vas les faire et ça va être aisé et facile pour toi. Parce que tu t'es forcé. Donc, si tu ressens en toi-même de la paresse, eh bien fais attention. Peut-être que c'est un signe que Allah subhanahu wa ta'ala, il n'est pas satisfait de toi. Peut-être que c'est un signe que Allah subhanahu wa ta'ala, il est en colère contre toi, ou il déteste tes actions. Alors dans ce cas-là, ça veut dire que tu dois faire des efforts pour te forcer à faire les œuvres, à faire les bonnes œuvres, à faire les actions. Et quand tu ressens cette paresse, essaie de te forcer encore plus à faire des bonnes œuvres, justement pour rester dans l'agrément d'Allah, et pour que par la suite les choses deviennent faciles pour toi et aisées pour toi dans l'adoration. Il dit l'important c'est quoi? C'est que tu comprennes qu'il y a dans ça un avertissement sévère pour celui qui voit en lui-même de la paresse vis-à-vis de l'obéissance. Peut-être que, comme le cheikh dit, peut-être que dans ce cas-là, ça veut dire que Allah, il a vu de toi quelque chose qu'il n'aime pas. Hein? Donc il dit, kariha an yakuna hada. Donc peut-être qu'il a détesté que cet homme qui a de la paresse, fasse partie de ses serviteurs qui lui obéissent. Alors il l'a rendu paresseux. Il lui a rendu l'adoration lourde et il est paresseux vis-à-vis de l'adoration. Et donc il dit, on demande à Allah, et ça c'est le dua, c'est très important dans ces situations-là, quand tu ressens ça en toi-même, de demander à Allah qu'il t'aide à son rappel, à sa reconnaissance et à bien l'adorer. D'accord? Donc quand tu ressens ça, tu fais des invocations, tu demandes à Allah de t'aider à l'adorer mieux, à se rappeler de lui, à être plus reconnaissant, et tu te forces à faire les efforts pour l'adorer. Peut-être que c'est l'heure de la salat, tu dois sortir pour aller à la mosquée, et tu dis, ah, je suis fatigué, ou bien j'ai telle chose. Non, yani, force-toi, motive-toi, cherche une explication, un moyen de te forcer à partir pour aller prier. Et le fait que tu partes et que tu fasses l'effort, Allah subhanahu wa ta'ala va faire en sorte que ça soit quelque chose qui va t'amener vers le bien. Parce que la paresse amène que la paresse. Et l'effort amène le bien. Le fait de faire des efforts, le fait de faire des sacrifices, le fait de faire des bonnes œuvres, ça va t'amener à en faire d'autres. Il dit ensuite le Cheikh, وَالشَّاهِدُ مِنْ هَذِهِ الْآيَةِ قَوْلُهُ كَرِهَ اللَّهُمْ بِعَاثَهُمْ فَثَبَّتَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ وَلَمْ يَقُلْ وَقَالَ لَهُمْ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ لأن الله لا يأمر بالفحشاء ولكن وقيل اقعدوا والقائل هو النفس فالنفس تحدث الإنسان تقول اقعدوا لا تذهب والشيطان كذلك يثبت على الخير وجليس السوء كذلك ولهذا حذف الفاعل أي القائل فيكون أشمل فالذين يقولون اقعدوا مع القاعدين هم عدة ذكرنا ثلاثة منهم النفس والشيطان وجليس السوء. Donc le cheikh il dit, et qu'est-ce qu'on peut tirer de ce verset? C'est que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit donc, Allah il a répugné de les voir partir au combat, alors il les a rendus paresseux, et il leur fut dit restez derrière avec ceux qui restent. Et on voit que dans le verset, Allah n'a pas dit et qu'il leur a dit, qu'il leur a dit, restez derrière avec ceux qui restent. Parce que Allah, il n'ordonne pas ce genre de choses-là. Allah n'ordonne pas le péché. Allah n'ordonne pas de rester derrière. Donc c'est pas Allah subhanahu wa ta'ala qui leur ordonnait de rester derrière. La forme est passive dans le verset. C'est-à-dire, comme on dit en arabe, comment on dit cette forme-là en arabe, mabni ala, wa alaykum salam wa rahmatullah. Donc, le mabni ala, je sais quoi, j'ai oublié, subhanallah, mabni ala al majhoul ou quelque chose comme ça, j'ai oublié. C'est pour dire que le fa'il, on le connaît, il n'est pas mentionné. Le sujet, celui qui fait l'action, il n'est pas mentionné dans le verbe. On mentionne la forme passive et non active. C'est comme si je dis par exemple, Zayd a frappé Mohammed. Zayd a frappé Mohammed. On sait que celui qui a fait l'action, c'est Zayd. Nominatif, c'est la forme active. Mais si tu dis on a frappé Muhammad. Est-ce que tu sais qui a fait l'action? On ne sait pas. Hein? Mabni ala al-majhoul. On ne sait pas qui a fait l'action. Ici, c'est la même chose. Qila. Qila. Qala qila. Qila, ça veut dire on a dit. Donc, on ne sait pas qui a fait l'action. C'est qui est-ce qui l'a dit? C'est pas Allah, ici. C'est, le shaykh, il dit, Al-qa'il huwa nafs. Celui qui parle, c'est l'âme de la personne. Son âme qui lui ordonne de faire le mal. Hein? Qui lui ordonne la paresse. Hein? Qui lui dit, non, reste. Pourquoi tu vas partir? Hein? Pourquoi tu vas aller à la mosquée? Pourquoi tu vas te fatiguer? Pourquoi tu vas aller faire un long voyage comme ça, hein, pour aller combattre un ennemi qui est loin? Ça, c'est dans la bataille de Tabouk. Hein? Vous savez, Tabouk, où c'est à partir de Médine? Moi, je suis parti en Jordanie, à l'époque où j'étais étudiant, en 1995 et 96, dans ces années-là. Et puis, j'ai pris un bus, 14 heures pour arriver en Jordanie, 14 heures de route. Et bien, Tabouk, c'est au nord, proche de quand tu arrives justement de la Jordanie, c'est pas loin. Donc, imaginez de faire ce trajet-là à pied ou à d'autres chameaux, hein, marcher pendant des jours dans le désert, en plein été. Le moment où la chaleur est la plus dure, hein, c'était difficile. Et c'était une épreuve pour les hypocrites, cette bataille. Et en plus, quand ils sont arrivés là-bas, il n'y a même pas eu de bataille. Les Romains, ils n'étaient même pas là, finalement. Ils sont revenus, il n'y a pas eu de combat. Mais ça a été une épreuve, et un test, et une éducation pour les Sahaba. Hein. Et ça a été un moyen aussi de distinguer entre les véridiques et les hypocrites. Donc il y a eu beaucoup de biens qui sont sortis de ça. Mais ici, quand Allah subhanahu wa ta'ala dit وَقِيلَ قُعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ, hein, il leur fut dit, restez derrière avec ceux qui restent, les malades, les femmes, les enfants, ceux qui ne peuvent pas combattre. Hein. Et les munafiqines, c'est eux qui sont restés, excepté certains parmi ceux qui, hein, sont restés derrière. Vous connaissez l'histoire des trois qui sont restés derrière. Ka'b ibn Malik et les deux autres. Et Allah subhanahu wa ta'ala les a pardonnés et leur repentance est descendue dans le Coran, dans Surat At-Tawbah à la fin. Et il y a même un long hadith qui est mentionné au sujet de leur histoire. C'est une histoire vraiment touchante. Hein? Je vous conseille de lire ce hadith-là. Il est vraiment, il a un effet dans le cœur. Yani. Et donc, le cheikh dit, c'est qui est-ce qui dit rester derrière? C'est l'âme. Et aussi, c'est le shaitan. Le shaitan qui les rend paresseux de faire le bien et qui leur dit non, fatiguez-vous pas. Faites pas des efforts dans la foi, dans l'obéissance, dans la religion. Restez derrière. Aussi, les mauvais compagnons. Jalis ou sou, les mauvais amis, les mauvais compagnons qui vont t'encourager à être paresseux. Mais non, repose-toi, reste, hein, fatigue-toi pas, hein, ne te fatigue pas, hein, reste chez toi. Et puis, il peut y avoir d'autres aussi, parmi les incitatifs à désobéir à Allah ou bien à faire preuve de paresse. C'est comme la même chose pour la femme, par exemple. Les koufars, ils disaient souvent, par exemple, que la femme musulmane, elle reçoit beaucoup de pression pour se voiler, puis pour porter le hijab. Il dit, les intégristes, ils forcent les femmes à se voiler. Hein? Et si la fille est dans une famille intégriste, son père, il la force, l'imam de la mosquée, il la force. Hein? Donc, il parle de cette façon-là. Pourquoi? Parce qu'eux, ils n'aiment pas que la femme se voile. Alors, toute personne qui encourage la femme à la piété, à la pudeur, hein, à la modestie, à se voiler de façon islamique, eux, ils découragent ça, ils vont pas aimer ça. Et ils vont appeler ceux qui ordonnent le hijab des intégristes pour les faire paraître comme si c'est des gens mauvais. Alors que si on compare dans la balance, ceux qui font de la pression pour que la femme se voile, et ceux qui font la pression pour qu'elle se voile pas, eh bien ceux qui font la pression pour qu'elle se voile pas sont beaucoup plus nombreux et beaucoup plus forts que ceux qui font la pression pour qu'elle se voile. Hein? Et si on énumère par exemple toutes les pressions, les sources de pression qui viennent de ceux qui veulent pas qu'elle se voile, hein? Eh bien on va commencer par l'âme déjà de l'être humain qui pousse l'homme à faire le péché et à faire le mal. Al-nafs al-ammaratu bis-su. L'âme qui ordonne le mal et le péché. Si on pense au shaitan de la femme, qui la décourage d'obéir à Allah et qui l'encourage à faire, à suivre ses passions. Oh, regarde, tu es belle, hein, tu peux être une top modèle, pourquoi tu vas te voiler, hein? Montre ta beauté à tout le monde. Le shaitan, il encourage la femme, hein. C'est comme ça. Alors elle commence à se dire, ouais, pourquoi je veux pas me voiler, c'est mieux que je me montre, je vais être populaire, hein. Je vais être, les garçons vont me voir, ils vont me trouver belle, ils vont m'aimer, hein. Le shaitan, il souffle des idées dans le cœur de la femme de cette façon, pour la décourager de se voiler, de se couvrir. Sans parler aussi de la famille, parfois, la famille de ces filles-là, qui sont des shayatines aussi. Ils aiment pas le voile, alors ils découragent la fille de se voiler. Pourquoi tu te voiles? Enlève ça, mets pas ça, hein, il faut pas se voiler, ça sert à rien, hein. Et le mari, parfois, certains maris sont comme des diables. Alaykoum salam. Ils interdisent à leurs femmes de porter le hijab. Il y a plus d'hommes, je pense, qui ordonnent à leurs femmes de pas se voiler que d'hommes qui ordonnent de se voiler. Illa man rahim Allah. Il y a aussi l'exemple de la société, hein, la société qui met de la pression pour que les femmes se voilent pas. Il y a aussi la pression de yani du travail qui dit à la femme, non, on a besoin des femmes qui sont pas voilées, on veut pas des femmes qui se voilent, enlevez le voile. Il y a la pression des médias, hein, la pression des médias, des journaux, de la télévision, la pression aussi de la mode, les films, les vidéos, la musique, hein. Toutes ces choses-là, c'est des pressions que la femme, elle subit. Jour, toute la journée, tous les jours, toute la nuit. Les pressions 24 heures sur 24 pour la décourager de se voiler. Pour la décourager de porter son djilbab. Pour la décourager d'obéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Et pour l'encourager à suivre ses passions et à ne pas obéir à Allah. Donc, où est-ce qu'il est le poids, hein? Et la balance, quand on regarde sur la question de la pression, qui va faire de la pression pour inciter les gens à obéir à Allah et à devenir un meilleur musulman ou une meilleure musulmane, ou celui qui va mettre la pression pour que, hein, tu t'éloignes de Allah, tu t'éloignes de tes obligations religieuses, tu sois comme ce que les koufars veulent que tu sois. Donc, hein, la pression elle est inégale. Malgré ça, ils sont pas satisfaits. Et donc, comme Allah il dit dans le Coran, وَلَنْ تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَ حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. Les juifs et les chrétiens ne seront jamais satisfaits de toi jusqu'à ce que tu sois comme eux. Jusqu'à ce que tu suives leur religion. Ils ne seront jamais satisfaits. Et le cheikh il dit donc, et aussi les mauvais amis. Hein, les mauvais amis, ça va. Si tu as des mauvais amis, ils vont te dire de faire les péchés, de ne pas obéir à Allah, de suivre tes désirs. Et combien de filles, par exemple, elles ont des mauvaises amies qui vont la décourager de porter le hijab. Hein, pourquoi tu mets ça, hein, enlève. Hein, bien, plein d'exemples comme ça. J'ai donné un exemple avec le hijab parce que c'est tellement concret. C'est tellement des choses qu'on constate, donc c'est facile à comprendre. Et pour terminer, le cheikh il dit donc que c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala il n'a pas mentionné le sujet, celui qui fait l'action dans ce verset-là. Il a dit waqila, hein, pour qu'on comprenne que la source de cette paresse-là, elle peut être nombreuse, elle peut être multiple. Ça peut être nafs, ça peut être le shaitan, ça peut être jalisussu, et ça peut être d'autres également. D'accord? Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, puis on continuera la suite la semaine prochaine.